rap, ça bouge, t'emmène en balade comme Aznavour. Je n'ai pas besoin de critique, car quand c'est nage, j'avoue. Si j'étais au stage, j'aurais peut-être touché plein de cash et 10 000 dollars. Mais je suis en France, encore moins connu qu'Emile Zola. Mais quel misérable, des fois je lâche des larmes noires comme le cirage. Tu comprendras pourquoi je suis pas doux après une grosse part dans ta bouche avec mes pattes d'ours. Pour ça que des fois j'ai un comportement flegmatique. Oui, rap, suis la ligne directrice, c'est ce que Vlev m'a dit. Affirmatif, faut pas que ça grave mon gars. Radical dans mes choix comme une technique de Krav Maga. Big up, Alex Bilel et Mchacha, Champéret. C'est à ça qu'on reconnaît des braves malgaches réussir. Pour nous c'est primordial. Certains sniffent et donnent leur âme en guise de primordial. On est tous des pions, dur de se relever quand t'as échec et mat. Manger comme mat, trop longtemps je te souhaite pas d'être en chien comme moi quand je mate la TV. Beaucoup de misère à chaque image. Comme ça que les médias nous matrice, pour y'a que ça qui marche. Pas fan de Shakira et encore moins de Patrick Fiori. Une chose est sûre, depuis Mino moi je me fie au risque. Le monde je meurs tard mais je ne fais pas abstraction. J'espère que pour moi la route tournera comme celle des parcs d'attraction. Rapport du corps qui te prend à la corde comme une corde. Ils veulent baisser les bras, ils veulent diviser pour me régner. C'est pas tard à baisser les braves, gavés qu'on les baisait leurs femmes. Bavés pour gagner nos âmes, ni dans les frontières du réel. Après ce qu'ils ont fait, ils veulent le respect de moi, des gars de mon espèce. Esprit brisé des pères de Hassanet, on s'est perdu dans l'espèce. Ils sniffent, ils veulent des collés, galés dans l'espace. On s'est perdu dans les tempes et les peines. Trafic à Carmen, gagne express. Pour le futur, je reste perplexe. Cherche pas l'expert et là tu l'écoutes. Un deck, les decks sans Heineken. Je resterai externe, votre merde. Les plaies pourrites, achète, m'achète. Laisse-moi, je déchirai, achever ça. Shoot ta gueule. On sort de la cave du caveau. Dis-moi tout ça, ça va où? Faire croire que le rap est mort d'une 3 KO. Quel regard de ta part, vaut mieux que tu te barres. Mon rap n'est pas une pute de bar qui suce des barres de cacao. Car ici l'idée apporte des colmao. Pas de la même école et toi tu te donnes ciao. Pas de vocablao, bienvenue dans mon cauchemar. Où tu passes de Disney à Apocalypse Now. À force tu te donnes une image ballo. On dit que le rap est mort depuis que ça marche mano. Ferme ta gueule et marche à l'ombre. Dans ma démarche tellement de rage que les vaches les mâchent quand des marshmallows. Max, le show d'été, la nightmare.